Pour t'apprivoiser derrière les murs épais et les portes scellées, tout mon silence pour t'aimer dans le secret d'un cœur qui te connaît par cœur. Tout mon silence pour t'attendre dans ces forteresses muettes où se cache la tendresse. Et découvrir possible, indicible, étreinte de tes yeux, de tes bras, dans ce désert hurlant, assoiffé de toi. Assoiffé de toi et brisé, trouver refuge près de toi, le plus beau de tous les romans d'amour. Près de toi.